Chapitre 5e. Riquet s'étant muni de tout ce qui pouvait nous être nécessaire, nous nous engageâmes tous les deux dans l'escalier étroit, taillé à même la terre, conduisant sous les voûtes souterraines. Notre marche, quand nous fûmes en bas, entre des murs faits de tibias et de crânes grimaçants, et auxquels notre lumière donnait des apparences hallucinantes, avait quelque chose d'impressionnant et de macabre. Nous ne parlions pas, et j'éprouvais un sentiment que je ne pourrais exprimer, en me voyant entouré de tous ces débris, d'une uniforme couleur grisâtre. Ils avaient été autrefois, qui sait en quelles lointaines années, des hommes pleins de vie, comme nous, et qui peut-être avaient connu les mêmes détresses, les mêmes souffrances, car il est bien rare que l'existence soit faite de bonheur. Ils avaient aimé, sans doute aussi. Ils avaient peut-être été séparés de celles qu'ils aimaient et subi des moments de désespoir égal aux miens. Riquet ne semblait pas absorbé par des pensées aussi profondes. Un plan à la main, il cherchait à s'orienter au milieu des chemins se croisant en tous sens et parmi lesquels il est si facile de se perdre, paraît-il. Il était, lui, tout à son opération. De temps en temps, il s'arrêtait et me retenait en me disant « Ce n'est pas là ». Puis, m'indiquant une autre route, « Ce doit être ici ». Et nous reprenions notre marche, toujours entre des murailles faites d'ossements. Il nous était d'autant plus difficile de nous guider que nous ne suivions pas les chemins que l'on fait prendre d'ordinaire aux visiteurs. Il nous fallait, pour parvenir à l'endroit que nous voulions atteindre, prendre des couloirs inexplorés dont quelques-uns étaient à demi bouchés par des effondrements plus ou moins récents. Nous dûmes, à maintes reprises, nous frayer un passage à travers des éboulements de voûtes, des crevasses profondes et des amoncellements d'os, et ce n'était pas toujours sans danger. Je me laissais conduire par mon compagnon, docilement, incapable de faire un effort pour penser à quoi que ce fût. Nous marchâmes ainsi pendant un temps que je ne saurais dire, et nous nous trouvâmes dans une sorte de carrefour où se croisaient plusieurs sentiers, plus étroits les uns que les autres, emplis d'épaisses ténèbres et d'aspects extrêmement sinistres, quand Riquet cessa tout à coup d'avancer. « Nous devons être arrivés, » me dit-il. Il consulta son plan avec une attention extrême, parut faire mentalement quelques calculs et déclara « Nous sommes en ce moment au-dessous du parc Montsouris. » Et me montrant un point de la voûte d'où tombaient des gouttelettes, « C'est là que doit être le massif. » Alors, une émotion intense s'empara de moi, et quand il me dit « Écoutons », il me sembla que tout mon sang venait de se figer dans mes veines. Nous étions enveloppés d'un silence si profond que nous avions l'impression que nous n'entendrions plus jamais aucun bruit et que nous étions sortis du monde des vivants. Les ténèbres aussi étaient plus noires qu'ailleurs, et le lieu où nous nous trouvions, d'où partaient ces couloirs s'enfonçant de tous côtés dans des ombres telles qu'on se représente celles de l'enfer ou de la tombe, avait quelque chose d'hallucinant. J'avais l'esprit tellement frappé que je n'eusse pas été surpris du tout de voir une ronde de fantômes surgir autour de nous et nous entraîner dans le tourbillon d'une danse macabre. L'oreille tendue, l'esprit aux aguets, nous écoutions. Mais aucun bruit ne nous arrivait, sinon le léger clapotis de gouttes d'eau tombant des voûtes. Alors Riquet se mit, avec sa pioche, à frapper les murs autour de lui, puis la voûte au-dessus. Alors, oh, je ne saurais rendre ce que j'éprouvais, et je ne sais pas comment, je ne suis pas tombé raide aux pieds de mon compagnon. Alors nous entendîmes distinctement ces mots au-dessus de nous, « À l'aide, au secours !» Et il m'avait semblé reconnaître la voix de Raymonde. Mais non, ce n'était pas, c'était fou, je n'osais pas y croire. J'étais sûrement le jouet d'une hallucination. « Vous avez entendu ?» me demanda le policier. Je n'avais même pas la force de répondre. Je fis de la tête un signe affirmatif. « Il y a quelqu'un enfermé là-haut. » J'ai cru reconnaître la voix. « La voix de celle que vous cherchez ?» « Oui. » « Eh bien, comme je le pensais, ce n'est pas dans les catacombes qu'on l'a enfermée. La voix vient d'en haut. Elle part d'un point situé au-dessus des catacombes, de quelques caves par conséquent. Comment faire ? Pour découvrir cette cave ? Pour faire savoir la malheureuse que nous sommes là, que l'on s'occupe d'elle, pour lui donner enfin un peu d'espoir. Nous savons déjà qu'elle n'est pas morte, c'est un grand point. Oui. Et qu'elle nous a entendus. Je vais cogner encore. Riquet frappa. Et je criai comme malgré moi. L'émotion m'arracha un cri insensé. Raymonde ! Ma voix fut-elle entendue, reconnue ? Un nouvel appel retentit à travers les voûtes, plus déchirant encore que le premier. À l'aide ! À l'aide ! Je me jetai contre le mur, et je crus que j'allais le déchirer avec mes ongles pour me frayer un passage. Je hurlais comme un dément. « C'est elle, c'est elle !» Et j'appelais de toute ma voix « Raymonde, Raymonde !» J'aurais voulu que la voûte s'ouvrît. J'aurais voulu je ne sais quoi, un cataclysme, un tremblement de terre, pour faire tomber ces murailles me séparant de l'infortuné qui poussait ses cris de détresse et que je croyais être Raymonde. Mais ne me trompais-je pas? Et ne me figurais-je pas avoir entendu sa voix, parce que sa voix retentissait sans cesse à mes oreilles, comme son image était constamment devant mes yeux? Dans tous les cas, j'étais dans un état d'agitation extravagant. Le policier s'efforça de me calmer. « Il faut sortir d'ici au plus tôt, » me dit-il. « Nous savons qu'elle n'est pas là. Tout le temps passé ici est du temps perdu. Venez. » Il me prit le bras et m'entraîna. Mais je n'avais pas besoin qu'on m'excitât à marcher. J'aurais voulu avoir des ailes. Et c'est moi, maintenant, qui avais pris les devants, m'engageant au hasard dans les chemins voûtés ouverts devant moi. Et plusieurs fois, mon compagnon dut me faire revenir sur mes pas. Je m'égarais. J'avais monté si vivement le petit escalier visqueux conduisant à la porte de sortie que j'arrivais en haut tout essoufflé. Le gardien était là. « Eh bien, me demanda-t-il, avez-vous trouvé ce que vous désiriez ?» Ce fut Riquet qui répondit. « À peu près. » Puis, ayant serré la main de l'homme qu'il remercia, il me dit qu'il fallait sans retard commencer mon enquête. J'avais plus de hâte que lui d'être fixé. Nous nous dirigeâmes le plus vite possible du côté du parc Montsouris. Après s'être orienté un peu, le policier me dit « Je vais essayer de me renseigner dans une de ces maisons. Je suis plus habitué que vous à ces sortes d'enquêtes et vous me gêneriez. Attendez-moi ici. » Riquet disparut et je demeurai seul, tout près du massif où j'avais entendu les gémissements. Je m'assis sur un banc et j'attendis. Mais avec quelle angoisse! Il y avait auprès de moi des enfants qui jouaient. Des femmes, leur mère ou leur sœur, causaient en les surveillant. Il faisait beau. Les branches d'arbres tamisaient les rayons du soleil, et il y avait sur le sable des allées où la verdure des pelouses, des taches de lumière ressemblant à des pièces d'or. Des moineaux piaillaient dans les bosquets. Comme j'aurais joui de cette délicieuse matinée, si je n'avais pas eu l'âme déchirée par d'aussi terribles angoisses. J'attendais avec une impatience fébrile le retour de Riquet. Il parut enfin. Il avait le visage d'un homme ayant une grande nouvelle à annoncer. « Je crois que je tiens notre affaire. » J'étais devenu blême d'émotion. « Venez, en marchant, je vous expliquerai. » Je me mis à ses côtés, il m'apprit ce qu'il venait de découvrir. Il y avait, bordant le parc de Montsouris, une rue où s'élevait un petit hôtel souvent inoccupé. Cet hôtel était très vieux. Il avait besoin de grandes réparations, et c'est pour cela qu'on l'habitait rarement. Il appartenait à un étranger, paraît-il, mais celui-ci ne venait là que de temps en temps. J'étais devenu tout tremblant. « On vous a dit le nom de cet étranger ? On ne le connaît pas. Son aspect ? Oui, haute taille, teint bistré, les cheveux très noirs. « C'est lui ! » m'écriai-je. Et mon émotion devint si vive que j'avais peine à me tenir sur mes jambes qui chancelaient. Maintenant, en effet, tous les espoirs chantaient en moi. Riquet me contemplait avec une sorte d'ahurissement. « Il faut, dis-je, pénétrer dans cet hôtel. Il faut y pénétrer à tout prix. » Je suis sûr maintenant que ma Raymonde est là-dedans, que c'est elle que j'ai entendue. » Le policier se grattait le front. « Il faudrait attendre la nuit, » fit-il, songeur. « Jamais je ne pourrais laisser la malheureuse enfermée maintenant que je sais où elle est. » S'introduire en plein jour, dans une maison, en forçant les portes, même s'il n'y a personne, c'est bien risqué. « Pourtant il le faut, » m'écriai-je. « Si vous refusez de m'accompagner, j'entrerai seul. » Mais je ne peux pas laisser ma femme mourante peut-être, gémissant et appelant à l'aide. Non, non, quand je devrais briser les portes. J'entrerai dans l'hôtel, et j'y entrerai tout de suite. Je veux délivrer ma chère Raymonde. Que pouvons-nous redouter d'être pris par le coquin? Il peut tirer sur nous. Et que m'importe? Il sera dans son droit. Nous aurons violé son domicile. Ne suis-je pas encore mieux dans mon droit en venant lui arracher ma femme qu'il m'a ravie? Et si nous nous trompions, si ce n'était pas lui? Tant pis, j'aime mieux tout risquer, je ne puis pas rester ainsi. » Me voyant si décidé et comprenant ce que je devais souffrir, Riquet n'essaya plus de combattre ma résolution. Il voulait seulement prendre le temps d'étudier l'affaire, comme il disait, afin de ne rien laisser au hasard et de mettre toutes les chances de notre côté. Et m'ayant prié de m'éloigner un peu pour ne pas attirer l'attention, il se mit à examiner le petit hôtel sur toutes ses faces. La rue était à peu près déserte. On n'y voyait pas un passant toutes les 10 minutes. Les maisons entourant le petit hôtel avaient leurs fenêtres closes. Au bout de quelques instants, Riquet vint me rejoindre. « Si c'était la nuit, me dit-il, il serait facile d'escalader le mur entourant la cour du côté du parc. Mais il ne faut pas y songer en plein jour. Quelqu'un nous apercevrait sûrement. Et on préviendrait les agents, ce qui produirait un esclandre. Il faut donc passer par la porte. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut entrer là comme un locataire y entrerait sans se cacher. Nous savons qu'il n'y a personne en ce moment. Nous ne risquons pas d'être surpris. Il faut pouvoir ouvrir la porte. J'espère y réussir. Et comment ? J'ai toujours sur moi des fausses clés. La serrure est fort rouillée, et si elle résistait, il serait facile, je crois, de la faire sauter. Mais ce ne sera pas sans bruit, peut-être. Voilà ce que je crains. Et le temps passe ! M'écriai-je comme malgré moi. Et ma malheureuse ? Riquet ne me laissa pas achever. Cette plainte sembla le galvaniser. « Venez avec moi. Je vais essayer d'ouvrir. Il ne faut pas avoir l'air de nous cacher. » Et, l'aspect paisible, comme si nous entrions dans une maison où nous avions le droit de pénétrer, nous nous dirigeâmes vers la porte d'entrée. Le policier commença à fourrager dans la serrure. Un petit bruit sec, un craquement d'acier se fit entendre et Riquet s'écria « Ça y est, elle cède !» Et en effet, la porte s'entrebâilla. « Entrez !» me dit-il. Il pénétra dans l'hôtel derrière moi. Puis il referma. Nous nous trouvions à l'orifice d'un vestibule au mur délabré, aux carreaux disjoints, sur lesquels s'ouvraient plusieurs portes dont la peinture s'écaillait. Tout respirait là-dedans la misère et l'abandon. On voyait que ce n'était pas habité depuis de longues années. De grandes toiles d'araignées, chargées de poussière, pendaient du plafond.